Le CIC présente Chronique entrepreneuriale. En récompense de votre labeur, une demi-boule de pain noir. Une demi-boule, monseigneur ? Si ça vous fait trop, je peux donner moins. Monseigneur a raison, trop de mangeaille m'alourdirait. Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a gérée hier et qu'il peut être plus difficile de recruter et fidéliser ses salariés, le CIC propose une offre de prévoyance et de santé collective pour les aider à faire face aux aléas de la vie. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Contrat souscrit auprès d'ACM IRDSA et ACM VSA, entreprise régie par le Code des assurances. Voir conditions en agence et sur cic.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Lucio Urtubia, maçon franc, anarchiste sincère, faussaire d'exception. Il y a des destins comme ça, faits de mille vies, de mille histoires, comme celui de Lucio Urtubia. Fils d'un paysan pauvre de Navarre, il croyait qu'un homme se définit par ce qu'il fait. Lui a tellement fait qu'il devient alors difficile de le définir. Que retenir en effet de ce réfugié espagnol, arrivé en France en 1954, où il est mort en 2020 à l'âge de 89 ans? Qu'il a été un maçon dur à la tâche, un consciencieux ouvrier du bâtiment qui a commencé à travailler à 11 ans, qu'il s'est éveillé au monde en écoutant parler Camus, qu'il a été braqueur de banque au service de la cause anarchiste, qu'il a proposé à Che Guevara lui-même de fabriquer des tonnes de faux dollars pour conduire les États-Unis à la banqueroute, qu'il a inondé l'Europe de faux chèques de voyage de la Citibank, plus grande banque mondiale à l'époque, la poussant à négocier avec lui, simple maçon. Ou qu'il a été le pourvoyeur de faux papiers des mouvements révolutionnaires du monde entier, de l'Espagne jusqu'à l'Uruguay, en passant par l'Italie ou le Brésil. Lucio Urtubia a été tout cela, non pas tour à tour, mais tout à la fois. Le raconter, c'est entendre la voix d'un homme en colère, en guerre contre l'injustice, contre Franco, contre toutes les dictatures. C'est aussi évoquer une vertu cardinale chez lui, le travail. Car sur ses chantiers ou dans ses imprimeries clandestines, Lucio Urtubia tenait à ce que le travail soit fait et bien fait. Notre invité aujourd'hui, Thierry Fayard, avocat et ami de Lucio Urtubia. Affaires Sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire Franck Cognard, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, fin octobre 82, 8h du matin. Les trains de banlieue déversent sur les quais de la gare d'Austerlitz des quantités d'ouvriers et d'employés. Certains gagnent par vie pour rejoindre leur travail à pied ou en bus. D'autres descendent prendre le métro. Il y a ceux qui, en passant, achètent le journal ou des cigarettes. Et puis il y a un homme qui s'arrête devant un casier de consigne. Il a les cheveux bouclés, il ne semble pas très à l'aise, comme fébrile. Il ouvre le coffre en métal, en retire 3 sacs et file vers une Renault 8 verte. Il prend le volant, traverse la Seine, emprunte la rue de Rivoli où s'empilent au feu rouge des R5, des DS, des fourgons J7 Peugeot. Chacun de ces arrêts semble mettre cet homme que nous suivons au supplice. Enfin, il arrive à destination, Hôtel California, rue de Berry, adjacente des Champs-Élysées. Il n'emmène toujours pas large, mais il rejoint la chambre où il a rendez-vous. Il est attendu par un homme tiré à 4 épingles, un représentant de la banque américaine Citibank. La suite, notre mystérieux porteur de valises la raconte dans le documentaire Lucio, réalisé en 2007. Et là, on a fait la livraison. Comme dans un film policier, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est comme un film policier. J'étais là en train de livrer des faux billets, des faux travel checks, des plaques d'impression à quelqu'un. Et en échange de quoi, quand tout a été vérifié, la personne, donc le responsable de la Citibank, m'a remis une somme d'argent qui était très importante à l'époque, en billets français. Bon. Et je suis reparti dans ma voiture avec l'argent. Notre homme un peu nerveux, aux cheveux bouclés, celui qui raconte la scène, s'appelle Thierry Fayard. Il est avocat et il vient de remettre au responsable de la sécurité de la plus importante banque de l'époque des plaques d'impression de faux traveleurs chèques et quelques liasses de faux traveleurs. En échange de plusieurs centaines de milliers de francs, de quoi remplir un imposant attaché de caisse. Le client de Thierry Fagard, celui pour qui il vient de procéder à l'échange, est un maçon de 50 ans qui répond au patronyme de Lucio Urtubia. À son arrivée en France, 28 ans plus tôt, Lucio ne parlait pas français et venait de déserter l'armée franquiste. No puede hacer historia, ni esclavos en la cima. Il y a des désertions idéologiques, d'autres opportunistes. Certes, Lucio n'aime pas Franco, mais son geste n'est pas politique. S'il choisit le 24 août 1954 de ne pas rejoindre son régiment après une permission, c'est que l'armée vient de découvrir le trafic auquel se livre ce jeune homme de 23 ans depuis son incorporation 15 mois plus tôt. En clair, si Lucio retourne dans sa caserne, c'est le cachot, ou peut-être pire. Car voler le régiment, c'est voler la patrie. Et voler la patrie, c'est la cour martiale, et peut-être une condamnation à mort. Depuis plus d'un an en effet, Lucio et quelques complices détournent soigneusement et à grande échelle des milliers de paires de bottes, de pulls, de chemises, de montres militaires. Tout est caché dans les poubelles et récupéré à la sortie de la caserne. C'était du plaisir, confessera Lucio des années plus tard. Oui, c'était quelque chose de bien parce que c'était voler un régiment fasciste. Et c'était surtout la possibilité d'améliorer, à coup de mandat postaux, l'ordinaire miséreux de la mère de Lucio dans son village navarrais de Cascante. En cet été 1954, Lucio franchit donc la frontière française. Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, puis Paris, où très vite, parce qu'il est travailleur et intelligent, il passe du travail au noir à des chantiers déclarés. Il possède des papiers, un logement et une réputation. Mais c'est une rencontre qui va donner un sens nouveau à sa vie. Comme il le raconte lui-même en 2008 au micro de Zoé Varier sur France Inter. Et j'ai commencé à travailler et suis tombé avec une équipe d'Espagnols, des anarchistes, tous des anarchistes. Et pendant des mois, ils ne m'ont pas parlé. Et au bout de quelques mois, quand ils ont vu qui j'étais, alors du casse-croûte, ils m'ont dit « Mais toi, quelle idéologie tu as ?» Alors j'ai dit « Je suis communiste ». Alors ils sont éclatés de rire, ils disent « Tu ne peux pas être communiste ». Alors ils ont commencé à me parler des idées anarchistes. Et ils m'expliquaient « L'argent, c'est la corruption de tout le monde ». Les anarchistes, ils brûlaient les banques. Les anarchistes, ils collectivaient les terres, les usines, ils les mettaient en autogestion. Alors tout ça, bon, ils m'ont formé. Cet anarchisme-là n'est plus celui de l'insurrection née à la fin du 19e siècle, qui s'écrivait à coups de bombes et d'assassinats, ou de braquages sanglants. Ce n'est plus celui de Rabachol ou de la bande à Bonneau, non. C'est un anarchisme qui refuse le pouvoir des gouvernements, qui refuse les rapports de domination en général, mais qui défend la nécessité d'une structure, qui revendique d'aller chercher l'argent là où il est, dans les banques, et qui semble adhérer à la thèse de Bertolt Brecht, selon laquelle braquer une banque est un crime, en crée une, en est un autre. Si t'aimes pas recevoir des ordres, c'est que t'es anarchiste. Anarchiste ? C'est quoi ça ? Lucio lui apprend le français en même temps que l'anarchisme. Dans le 10e arrondissement de Paris, il assimile gratuitement la langue de son pays d'accueil lors de cours dispensés par la CNT, la Confédération Nationale du Travail, fondée par des militants espagnols en exil. Dans son livre « Lucio l'irréductible », le journaliste Bernard Thomas écrit « Les anarchistes firent partager à Lucio avec une conviction toute naturelle l'évidence d'un monde meilleur. Plus besoin de gardiens civils, de tribunaux, puisqu'il n'y aurait plus de serrures sur les portes et que tout appartiendrait à chacun. Les anarchistes ne fumaient pas, ne buvaient pas. Ils n'avaient qu'une drogue, mais puissante. Ils se shootaient au rêve. » Un rêve qui pourtant a été réalité. 3 ans à peine, au cours de ce que l'on a appelé la Révolution sociale espagnole. En réaction au coup d'état militaire de Franco, en juillet 36, des provinces entières, comme la Catalogne ou l'Aragon, se soulèvent. Les champs autour des villages sont collectivisés, les usines deviennent autogérées, l'argent est aboli et on ne donne pas selon les efforts, mais selon les besoins. Mais en 1939, chassé par les franquistes, lâché par les communistes et les socialistes, les libertaires et anarchistes espagnols sont fusillés ou emprisonnés dans des camps de concentration. les plus chanceux franchissent les Pyrénées et s'établissent en France. Et c'est donc parmi eux que Lucio apprend à mettre des mots sur une rage intérieure et à remplir, comme il dit, un corps vide, affamé de justice, de pain et de connaissances. Au 24 rue Saint-Marthe, dans le local de la CNT, il côtoie des maçons, des plombiers, des menuisiers, des enseignants, des journalistes. Il s'assoit parmi le public des conférences qui y sont données et il écoute Albert Camus, André Breton, Georges Brassens, Léo Ferré ou Mouloudji. Il s'y épanouit, raconte-t-il dans son livre intitulé « Ma morale anarchiste ». À la chaleur des idées révolutionnaires antifascistes, antistaliniennes et surtout libertaires, je reprends ces mots. Et puis il y a Kiko, qui débarque dans sa vie. Un vendredi soir de 1957, en sortant justement de l'une de ses conférences, Lucio est approché par des camarades. « Tu as bien un petit appartement, Lucio ?»« Oui. Alors il faut que tu nous donnes un coup de main. Tu vas héberger un ami qui n'a pas de papier. » Bien, le jeune homme accepte et se retrouve au pied de son immeuble avec un inconnu qui monte derrière lui par l'escalier de service. Il raconte sur France Inter en 2008. Et quand on était au deuxième étage dans le noir, dans l'obscurité, j'ai entendu un bruit derrière moi. Et je me suis retourné et j'ai vu quelqu'un, la personne qui me suivait et qui ouvrait un couteau à cran d'arrêt. C'est grand comme ça, oui. Et il me dit, je le vois, il me dit, nano en catalan, no te fies nunca de nadie. N'ai confiance jamais en personne. Et là, putain, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, j'ai bien pour aider. Et il me terrorise et tombe, bon. Puis d'un seul coup, je lui dis, mais tu es qui, toi? Et alors, d'un seul coup, il me dit, mais je suis Kiko Sabater. Francisco Kiko Sabater, c'est une légende de l'autre côté des Pyrénées. Il a 15 ans de plus que Lucio, une réputation déjà bien établie. Gangster et criminel pour la police qui le recherche et pour les journaux franquistes qui affichent sa photo, Robin des Bois pour les autres. Kiko, c'est le spécialiste des expropriations, c'est-à-dire des hold-up. Oh, il n'a même pas tiré de coup de feu quand il braque une banque. Non, il lui suffit de dire « Soy el Kiko » et les sacs se remplissent presque tout seuls de pesetas. En revanche, Kiko n'hésite pas à tuer s'il le faut, quand la police le pourchasse par exemple. Fasciné, Lucio écoute des soirs entiers son aîné lui raconter ses faits d'armes, sa vie, sa morale. Quand Kiko a les poches pleines après une expropriation donc, il n'envoie à sa femme que l'équivalent du salaire d'un ouvrier. Car le reste va à la cause, au soutien des prisonniers politiques, aux avocats, aux familles de ces derniers, aux tracts de propagande, aux voyages. Et Lucio se laisse entraîner. Il va seconder Kiko dans le débraquage, parce qu'il fallait le faire, explique-t-il en 2008, en se confiant à Emmanuel Laurentin sur France Culture dans La Fabrique de l'Histoire. Tout le monde en salle ! Ce n'est pas du courage mettre une mitraillette ou une arme sur la tête de quelqu'un, sur un travailleur, parce qu'en définitive, c'est un travailleur. Ce n'est pas élogieux de faire des choses comme ça, pour avoir risqué sa vie et celle des autres pour de l'argent. Et bien sûr, on n'avait pas d'autre alternative, nosotros, on n'avait pas d'autre solution pour avoir un peu d'argent, pour avoir nos activités, que parcourir à ces soldats ou à ces choses-là, ces expropriations, comme on dit. Lucio continue de travailler sur des chantiers et poursuit l'apprentissage de la clandestinité auprès de son mentor. Il fait le maçon le jour et glisse des lettres anarchistes dans des enveloppes ou colle des affiches dans le métro le soir. Il poursuit les hold-up, seul, sans Kiko, qui après 8 mois de prison à Paris, échappe à l'extradition et donc aux prisons de Franco et vit à Dijon, où il est assigné à résidence. Mais rongé par la maladie, celui qui a tout appris au jeune Navarrais décide de repartir en Espagne. Lucio fait tout pour l'en dissuader, menace même de lui casser la gueule, en vain. Celui que le régime franquiste désigne comme l'ennemi public numéro 1 franchit la frontière espagnole. Ce sera un aller sans retour, comme le rapporte le journal Parler du 5 janvier 1960. Et j'appelle maintenant, sans plus de transition, Perpignan, où notre correspondant Georges André doit nous tenir au courant d'un fait à la fois divers et pittoresque. À vous, Perpignan. Léopard Francisco Sabate, dont la tête était mise à prix depuis la fin de la guerre civile espagnole, a été abattu ce matin, non loin de Barcelone. Sabate fut longtemps l'animateur d'un groupe de l'action directe des anarchistes espagnols. Dimanche soir, Sabaté et ses hommes se heurtèrent aux forces de l'ordre espagnol à Bagnolas, province de Gérone. Francisco Sabaté, blessé, réussit encore à s'enfuir. Et c'est à Santeloni, petite gare située à une cinquantaine de kilomètres de Barcelone, que Francisco Sabaté fut abattu par la police. La mort de Kiko Sabaté est une rupture, une fin de cycle pour Lucio. À partir de là, fini les braquages, place à une nouvelle aventure clandestine. Quelques mois avant la mort de Kiko, Lucio a rencontré un réfugié espagnol torturé par la police franquiste devenu imprimeur rue Jean-Jacques Rousseau à Paris. Celui-ci conclut un marché avec Lucio. Ce dernier effectue le matin des travaux de maçonnerie et de carrelage dans l'imprimerie et apprend en échange, l'après-midi, les techniques de l'impression offset. Pour imprimer tracts et journaux anarchistes. C'est du moins ce que Lucio pense au début, sans savoir alors que ça va le mener plus loin, beaucoup plus loin. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades... Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Aujourd'hui, Lucio Urtubia, maçon, anarchiste et faussaire. France Inter. Sensible. La photo date du printemps 1962. Elle est prise à l'aéroport d'Orly. À droite, on voit Lucio, manteau noir et cravate claire, sourire aux lèvres. Marchant devant lui, sur la gauche de l'image, en uniforme et portant un béret, Ernesto Guevara soi-même, dit le Che, le compagnon de route de Fidel Castro, icône des révolutionnaires du monde entier. Dans un salon privé de l'aéroport, en compagnie de l'ambassadrice cubaine en France qui avait arrangé la rencontre, les deux hommes parlent des heures avant que le Che ne s'envole pour Berlin. On l'a vu, deux ans plus tôt, Lucio Urtubia s'est lancé dans l'impression clandestine. D'abord des tracts, puis des faux papiers, et maintenant des faux dollars. De qualité, de très grande qualité. Ce que Lucio propose au Che cet après-midi-là, c'est d'imprimer des tonnes et des tonnes de fausses monnaies américaines, d'en inonder le monde et de déstabiliser les États-Unis. À Orly, on a passé plusieurs heures. Tu vois, on a passé plusieurs heures à discuter. Mais le Che, je crois que ces Argentins, ils sont pas comme les... Tu vois, je le dis parce que je les aime aussi, mais ils sont différents, tu vois. Ils sont moitié italien, moitié espagnol, moitié basque. Tu il était Argentin. Et prétentieux aussi. Prétentieux et froid. Et on en a parlé pendant des heures. Oui, genre pas aimable, tu sais à qui tu parles. Le Che ne donne pas suite et Lucio reprend sa double vie. Maçon dévoué le jour, faussaire la nuit, il pilote une dizaine d'imprimeries, la plupart situées dans le quartier de Belleville, à Paris. Elles s'appelaient L'Orthographe, L'Utopie, Edith 71 ou Primavera, et quasi tout imprime des faux passeports, des fausses cartes d'identité, des fausses pesetas, des faux dollars qui sont envoyés en Espagne, en Italie, en Amérique latine, enfin partout où des mouvements révolutionnaires en ont besoin. Dans les imprimeries bellevilloises, les machines tournent plein, souvent à l'insu des patrons, mais avec la complicité des ouvriers dévoués à la cause, comme le raconte Lucio au micro de France Culture. Eh bien, c'est la plupart de ces imprimeurs, ils étaient idéalistes. Quand vous avez un idéal, même aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas besoin de fortune pour vivre. Et quand on a 20 ans ou 25 ans, vous voyez, avec très peu, si on en a, on mange, si on n'en a pas, on ne mange pas. Mais la motivation, c'était l'idéal. Et dans toutes ces imprimeries, qu'il y avait, la dizaine d'imprimeries qu'il y avait, ça sortait des tonnes et des tonnes pour tous les pays du monde, on peut dire. En Espagne, durant ces années 60, les anarchistes font exploser des bombes à Madrid, Barcelone ou Valence, et ils veulent rendre le pays infréquentable aux touristes qui commencent à y aller en masse. Un pays où, disent-ils, Franco nous met à l'ombre que pour vous soyez au soleil. Lors de ses allers-retours, Lucio ne participe pas à ce type d'action. En revanche, l'argent et les faux papiers qu'il distribue permettent de financer cette campagne d'attentat. En France, Lucio élargit le domaine de la lutte. Il y a eu les expropriations pour les banques, il y a désormais les restitutions. Parce qu'il a accès à des chantiers, il organise la fauche de matériaux qui servent à la rénovation de locaux révolutionnaires ou de planques. Il planifie le vol de meubles de bureaux, de matériel d'imprimerie, toujours pour la cause. Il les stocke dans des garages de banlieue, dans des boxes de parking, il ne s'arrête jamais. Le journaliste Bernard Thomas, qui a consacré un livre à Urtubia, écrit joliment. Dans les heures blêmes du matin, ainsi pointait-il sans défaillance à l'entreprise de travaux publics Salmino, 4 boulevard de Sébastopol. Le soir, il déménageait les chantiers pour le compte de copains. La nuit, il imprimait. Alors, quand dormait-il? Par quart d'heure, qu'il volait eux aussi. Et quand trouve-t-il le temps pour l'essentiel? Autrement dit, pour l'amour. Parce que, en 1968, autour des barricades qui ont fleuri en mai, il rencontre Anne Garnier. Elle a 26 ans, lui 37. Elle est une jeune diplômée en biologie, il est maçon. Elle est fine et gracile, Lucio a tout du bulldozer. Rien n'aurait dû les réunir. Et pourtant, même les parents de Anne, qui vivent près de Troyes, où le père est patron d'une petite entreprise de plomberie, tombent sous le charme de leur futur gendre. Et puis il y a Juliette, leur fille, une enfant que Lucio voulait, pour laquelle il prend son rôle très au sérieux. L'amour qu'il éprouve le pousse à étirer encore le temps. Il va chercher la petite fille à l'école, lui donne le bain, surveille ses devoirs et dîne avec elle. Mais est-ce une vie pour Anne et Juliette que celle que leur fait mener Lucio? On l'a vu, il passe sa vie entre ses chantiers, ses imprimeries, ses planques, ses réunions. Anne sait quel homme elle a épousé. Mais s'attendait-elle, par exemple, après un dégât des eaux, à trouver une valise cachée remplie d'armes dont son mari ne lui avait jamais parlé? Et pourtant... Voyons cette étrange et spectaculaire affaire d'enlèvement. C'est le directeur de la banque de Bilbao en France, une banque espagnole, qui a été enlevé par 3 hommes masqués et armés. Tout s'est passé très vite, il est 8h30 ce matin. Monsieur Suarez sort de son domicile à Neuilly, accompagné de 2 de ses enfants qu'il s'apprête à conduire à l'école. Au moment où il monte dans sa voiture, garée dans le parking de son immeuble, 3 hommes masqués apparaissent brusquement et le font monter de force dans une voiture, laissant les 2 enfants atterrés. Depuis lors, aucune demande de rançon n'a été formulée, et bien qu'il semble que M. Baltazar Suarez ne s'occupait pas particulièrement de politique, tout porte à croire que cet enlèvement a des implications politiques. avez compris qui se cache derrière cela. Lucio, comme Anne, sont arrêtés le jour où le banquier est libéré par ses ravisseurs. La petite Juliette, elle, est récupérée à l'école par des policiers. Anne reste 2 mois à Fleury-Mérogis. Lucio est incarcéré à la Santé, où lui arrive de croiser Jacques Mesrine dans la cour de promenade. Il décrit ainsi son quotidien. On est saisi par l'odeur aigre et humide. De l'eau s'écoule par terre dans la coursive. On rencontre à chaque instant des détenus tristes et des surveillants pleins de clés. La cellule est très sombre, le sol est gras, l'assiette et le bol sont posés sur une table crasseuse. Lucio est remis en liberté après 4 mois. Et il la doit cette liberté à la colère du juge qui mène l'enquête. Il demande en effet, logiquement, aux policiers espagnols d'enquêter de leur côté. Mais la Guardia Civil va détourner la commission rogatoire et l'utiliser pour arrêter et torturer des militants antifranquistes. Le juge français est furieux. Il libère Urtubia. L'enlèvement du banquier Suarez était bien politique. Les GARI, les groupes d'action révolutionnaire internationaliste, voulaient faire pression sur le régime franquiste et obtenir la libération de prisonniers politiques espagnols. Lucio, évidemment, était de la partie. Le procès a lieu 7 ans après, en 1981. Mais l'époque a changé. Franco est mort, Suarez ne vient même pas témoigner. En fait, tout le monde veut oublier cette histoire. Lucio, Anne et les autres sont acquittés. Mais revenons en 1974, après la remise en liberté d'Urtubia. Son arrestation et sa détention laissent une trace, forcément. Et Lucio est alors régulièrement suivi, filé, soupçonné. Et puis dans le milieu des truands, comme dans celui des militaires révolutionnaires, on commence à se recommander Lucio et les services de ses imprimeries. Et évidemment, les policiers en entendent parler, mais sans preuve, que peuvent-ils faire, à part attendre? Lucio, c'était le mettre sur écoute, le mettre quelqu'un derrière, ouvrir ses lettres, tout le temps. Mettre des informateurs à côté qui ne savaient pas, ça existait aussi. Pour autant, même surveillé, comme le dit cet ancien commissaire dans le documentaire Lucio, ce dernier ne change rien à sa façon de vivre. Anne et Juliette apprennent à changer 3 fois de rame de métro sur leur trajet. Drôle de vie tout de même pour une petite fille. L'ancienne avocate, devenue journaliste Brigitte Emerlin, écrit « Juliette mène la vie d'une enfant calme et équilibrée au milieu de militants anarchistes suivis par la police et fabricants de fausses pièces d'identité destinées à des réfugiés politiques sud-américains. » Et les policiers, bien sûr, qui, dès qu'ils en ont l'occasion, investissent l'appartement familial et retournent tout sur leur passage. Les banques, les hommes politiques, les juges, pour eux, les travailleurs ne comptent pas. Hein, leur but, c'est de nous la mettre bien profond. Donc je propose qu'on leur mette bien profond, nous aussi. Surtout à ces putains de banques. Et c'est en 1979 que Lucio a la grande idée. Puisque les imprimeries tournent bien, que les faux qui en sortent sont incroyables de vérité, pourquoi ne pas voir plus grand? La cible, la First National City Bank, l'une des banques mondiales les plus importantes, 45 000 agents sur toute la planète. L'arme, les traveler checks, les chèques de voyage. Bon, certes, ils sont compliqués à imiter et requièrent un savoir-faire particulier. Mais Lucio et ses complices aiment le travail et surtout le travail bien fait. Alors, pendant 1 an, ils multiplient les essais de papier, de couleurs, de photogravures, et ils finissent par imprimer des faux exceptionnels de qualité. Ensuite, c'est d'une simplicité enfantine. Le même jour, à la même heure, une trentaine d'équipes de 2 sympathisants, l'un dans la banque, l'autre dehors, se présentent au guichet à Helsinki, Rome, Bruxelles ou Paris et encaissent l'argent, le vrai, contre les traveler tchèques, les faux. La méthode est simple et redoutablement efficace. La Citibank perd en quelques mois 20 millions de dollars de l'époque, l'équivalent de 75 millions de dollars actuels. Mais là-bas, c'était le scandale. Et la Four National Citibank a passé une circulaire en disant qui couvrirait plus les travelers chèques. Il y a quelqu'un qui se voyait et qui me disait, tu sais, tous les gens à genoux, ils veulent négocier, ils veulent régler le problème. Et toi, le maçon, tous les gens à genoux. Personne ne voulait leur traveler chèque. Parce que ça ne sert à rien d'avoir leur traveler chèque quand ils arrivaient en France, on ne leur payait pas. En commence au tout début des années 80, Lucio est cerné par les policiers et les juges. Mais il n'arrête pas. Comment pourrait-il d'ailleurs ? Sa réputation de faussaire d'exception est désormais établie dans tout ce que le monde compte de révolutionnaire. Bien sûr, les enquêteurs semblent tourner en rond, et Lucio ne fait que les mener sur des chantiers où il travaille. Mais il se rapproche toujours un peu plus. Les soupçons de la police se portent sur un maçon qui fait scrupuleusement son travail. La City manque doute, mais ne peut plus rester sans réagir. Alors elle piège Lucio en lui envoyant via plusieurs intermédiaires un pseudo-truand acheteur de faux chèques de voyage. Ainsi, un premier rendez-vous est fixé au 7 juillet 1980. Premier échange. Puis un second est fixé au lendemain à la terrasse de la brasserie des Deux Magots à Saint-Germain-des-Prés. À 11h, Lucio entend crier « Police, les mains en l'air !» Il est arrêté, une valise pleine de faux travelers à ses pieds. Donc, retour à la casse-prison. Voilà, notre récit pourrait s'arrêter là. Mais la suite est surprenante. Ce tribunal approuve et ordonne la clôture de l'instruction pour l'accusé Lucio Urtubia. L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter ? Devant les enquêteurs, devant la juge, Lucio ne dit rien. Et pour la Citibank, rien ne change. Lucio a caché un stock qu'il y en a encore pour des millions de dollars et ses complices poursuivent l'arnaque. Les mois passent, nouvelle remise en liberté pour erreur de procédure, nouveau mandat d'arrêt, nouvelle cavale, nouvelle arrestation et nouvelle remise en liberté. Et nous arrivons en 1982. Nouvelle époque également, on l'a dit. François Mitterrand, élu président, amnistie de nombreux prisonniers politiques en France. Mais l'ETA tue. Action directe va tuer. L'Italie, elle, ne sort pas de ses allées de plomb. Et Lucio a horreur de la violence aveugle. Alors, à l'automne de cette année 82, il accepte de rencontrer le directeur de la sécurité de la Citibank, un Anglais ancien de Scotland Yard. Voilà qu'un représentant du capitalisme mondial veut négocier avec un maçon faussaire de 51 ans. Cocasse tout de même. La suite, Lucio la raconte à Zoé Varier sur France Inter en 2008. C'est-à-dire, il disait, bon, on le pardonnera, mais à condition qu'il nous donne les plaques. Et on est rentré. Et j'ai voulu lui serrer la main au type, tu vois, puisque bon, on était... Au type de la Citibank ? Si, on était en négociation, on était des amis déjà, tu vois, bon. Et le type, il dit, mais je ne serre pas la main à des criminels comme vous. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, moi, un criminel, c'est vous les criminels. C'est vous qui occasionnez toutes les guerres. C'est vous, avec vos dollars, que vous tuez le monde entier. Alors je lui ai fait, de toute façon, ça sera donnant-donnant. Si vous voulez qu'on règle le problème, on peut le régler. Mais, en échange, on vous donnera tout, mais on vous demandera quand même un peu d'argent quand même, c'est normal. Et puisque nous sommes en 1982, nous revenons alors à la scène de l'échange évoquée en tout début de récit. C'est donc Maître Fagard, l'un des avocats de Lucio, qui apporte les plaques d'impression et qui repart avec des centaines de milliers de francs. Lucio Urtubia ne fera plus jamais de prison, ni de faux documents ou de fausses monnaies. Enfin, c'est du moins ce qu'il dit. Car il y a mille autres histoires qui concernent Lucio Urtubia, comme s'il avait eu mille vies en une. Celle où il s'est assis par exemple à Matignon dans le fauteuil du Premier ministre pour une photo. Celle où un haut fonctionnaire d'Elfaquitaine honore des factures non payées à Lucio. Celle où il intervient en coulisses pour la restitution du tableau Guernica à l'Espagne. Mais oui. Ou celle où il crée l'espace Louise Michel, un lieu d'accueil pour jeunes artistes qui fonctionne encore aujourd'hui, 3 ans après sa mort. Mais ces mini-histoires ne répondent pas à la seule question qui vaille au fond. Pourquoi a-t-il fait tout ça? C'est le moment où il faut revenir sur l'enfance de Lucio. Il naît le 18 février 1931 à Cascante, en Navarre. Son père est le paysan le plus pauvre des paysans pauvres. Et même l'amour des parents pour leurs 6 enfants ne compense pas la misère. Le repas est constitué d'un bout de pain et d'un peu d'huile d'olive. Alors évidemment, quand le cancer ronge le père, la famille ne peut pas payer les traitements. C'est plus qu'une blessure pour Lucio, comme il le raconte 60 ans plus tard, toujours au micro de Zoé Varier. Tu t'imagines voir ton père, ma mère qui lui passait de l'eau fraîche dans son front. On n'avait même pas d'aspirine. Mon père, quand il me réclamait, mon fils, toi que tu as des couilles, Tue ton père si tu l'aimes. Et vous n'avez pas le courage de tuer votre père? Non, non. Et vous n'avez pas été capable non plus d'aller tuer des gens pour avoir de l'argent? Non. Pour pouvoir acheter les médicaments? Exactement. Vous êtes parti avec un couteau pour tuer, pour exactement, prendre, pour voler exactement de l'argent? Oui, oui, j'aurais fait n'importe quoi, oui. Deux fois, deux tentés. Et deux. Vous n'avez pas pu? Non, non, j'ai pas pu. Vous aviez quel âge? On devait avoir 14 ans ou 15 ans, j'étais très très jeune. Lucio Adolescent Navarre était le plus costaud du village, capable de soulever 150 kilos. Des muscles forgés dès 11 ans à travailler dans les champs ou sur les chantiers, déjà. Sa conscience, elle, a été endurcie par cette rage, ce sentiment d'injustice ancré au plus profond de lui-même. En octobre 82, alors qu'il comparaît devant un juge, celui-ci lui demande « Enfin, si Ortubia, vous n'avez pas de remords ?»« Non, monsieur le président, aucun remords. » Ça veut dire que si c'était à refaire, vous le referiez? Mais naturellement, c'est mon devoir d'homme. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple d'un gouvernement qui ait été honnête, qui ait fait quelque chose pour le peuple? Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'algérien, salut à toi le tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chouli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Lucio Ortubia. La vie est un roman, parfois. Notre invité Thierry Fagard. Bonjour. Bonjour. Thierry Fagard, dont nous avons raconté aussi l'aventure liée à celle de Lucio en début de récit. Alors c'est rare qu'on puisse avoir comme ça un protagoniste de l'histoire juste à côté de soi. On va y revenir bien sûr. Alors vous avez été l'avocat et l'ami de Lucio. Est-ce que les racines du combat de Lucio se trouvent bien là, dans cette enfance que nous avons évoquée en toute fin de récit, dans la mort de son père, dans cette rage chevillée au corps contre toutes les injustices? Ça vient de là, son combat? Oui, je crois que ça a été fondamental pour lui. Je crois que quand il raconte ces histoires de tentatives de hold-up, rien que pour pouvoir payer les médicaments pour que son père arrête de souffrir, qui réussit pas évidemment, mais il a fait la démarche, et puis il ne supporte pas cette histoire. Je pense que le père était un type très bien. Le père était un type très bien, c'était un socialiste qui cherchait justement le progrès pour tous, et qui crève comme un chien. Ça, il l'a jamais supporté, et il en souffrait encore. Ouais. Quand il en parlait. Comment vous l'avez connu, comment ça s'est passé le fait que vous soyez son avocat? C'est vous qui avez voulu le défendre? C'est lui qui vous a demandé? C'est quoi les racines de votre rencontre, votre amitié? C'est lui qui m'a demandé de le défendre. On n'a pas le droit, nous, d'aller chercher les clients. Hein. Mais bon. C'est vrai, non, mais indirectement. Ouais. Non, mais les réseaux étaient connus, si vous voulez. Bon, j'ai défendu beaucoup de gens de la même mouvance, donc, et il m'a désigné pour l'affaire des Travelers, c'est pour l'affaire de Suarez en même temps. Et l'enlèvement. Oui, l'enlèvement de Suarez. Et voilà, et c'est comme ça que je l'ai connu, tout simplement. Alors, le contact s'établit tout de suite, quand on devient ami, souvent, c'est, pas toujours, mais souvent, ça vient dès le début, comme ça, il y a un peu de foudre humaine, quoi. Il y a eu tout de suite, effectivement, le courant est passé, ouais. Moi, le courant est passé des deux côtés, je crois. Je crois qu'il a senti chez moi ce qu'il attendait d'un avocat, de son avocat, et moi j'ai senti chez lui qu'il y avait vraiment quelque chose derrière qui était très, très, très intéressant, quoi. Enfin, intéressant, séduisant, très séduisant dans sa manière d'être. Hein. Donc une cause à laquelle vous adhériez, ou vous adhériez plutôt à la façon dont lui servait la cause, ou les deux? Non, bon, fondamentalement, je suis progressiste, je suis rentré dans ce métier d'avocat pour essayer de mettre un petit peu ma profession au profit de, enfin, ma pratique professionnelle au profit de ce à quoi je croyais. Et donc, ça m'a amené à défendre beaucoup de gens dans ce camp-là. Pas que ça, évidemment, vous vous en doutez. Et donc, ça pouvait aller. Mais j'ai jamais été un militant anarchiste, par exemple. Mm-hmm. Alors, racontez-moi ce que vous avez ressenti lors de cette scène, c'est quand même pas banal, quand vous allez, vous avez rendez-vous avec ce type-là de la banque, à l'hôtel California, vous arrivez avec des faux traveler chèques, les palettes d'impression, vous repartez avec une valise pleine de billets, qu'est-ce qu'on ressemble à ces cas-là? Parce que c'est des trucs, c'est pas délinquant, ça ressemble à un film de bandit, tout ça, c'est la réalité, vous n'êtes pas un délinquant, évidemment, vous êtes avocat, qu'est-ce que vous ressentez? Mais écoutez, ce que je ressens, d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est vrai que bon, j'étais content d'arriver à l'hôtel où j'étais attendu par les gens de la Citibank au sous-sol. Et puis, en même temps, c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un film, et je regrette, il n'y avait pas de caméra, ça n'existait pas à l'époque, mais ça valait le coup, parce que ça faisait penser à un film de voyous, quoi, avec les échanges, et l'échange des plaques, les techniciens qui vérifient les plaques, qui disent « ouais, c'est bon, c'est bien celle-là », qui regardent les billets, qui disent « bon, c'est bien la même impression », et moi qui joue comme dans des films de policiers, qui vérifient les liasses. Vous comptez les liasses de billets? Mais oui, alors pas toutes, vous vous en doutez, parce qu'il y en avait beaucoup trop, mais je fais ce que j'avais vu dans les films. Bon, j'en prends une au hasard, je compte s'il y a bien le nombre, je regarde un petit peu bien en dessous s'il n'y a pas du papier journal à la place des billets, parce que bon, on n'allait pas tout compter, si vous voulez. Donc, c'est un truc complètement, complètement fou. Je dis, je suis dans un film, quoi. Et ça se passe comme dans un film, j'imagine que vous discutez pas. C'est vraiment, non, vous avait déjà discuté avec le responsable de la sécurité, puisque la négociation, moi j'y ai plus que participé, hein, au cabinet de l'avocat de la Citibank. Hein, bon. Donc Egard, je le connaissais, il m'avait remis sa carte de visite en me disant bon, on termine la négociation et quand tout sera réglé, bon, à ce moment-là, on se fixe un rendez-vous. Ça se passera à tel endroit. Et il me donne sa carte de visite avec le nom de l'hôtel derrière. Donc je connaissais. Et entre-temps, Lucio avait réussi à le circonvenir, si je puis dire, comme vous l'avez raconté, comme l'archive le dit. Et du coup, il était très aimable avec moi, Monsieur Egard. Bonjour, Maître Fagar, comment allez-vous? Très, très British, parce que c'était un ancien de Scotland Yard. Oui, on l'a dit. Ils étaient combien? Ils étaient tout seuls ou il y avait d'autres personnes? Non. Ils étaient 4 ou 5. Ouais. Il y avait des techniciens, il y avait des gars qui, probablement 1 ou 2 agents de sécurité. D'accord. Ouais. Et quand vous ressortez avec la valise pleine de billets, c'est là où c'est encore plus dans un film, parce que dans un film de voyous, ça peut se terminer très mal, y a pas de discussion. Mais là, vous repartez avec une valise de billets. Ben, je suis ravi quand j'arrive à mon cabinet et que bon, il y a des gens de mon cabinet qui viennent m'aider un petit peu pour faire le nécessaire pour que la valise puisse rentrer au cabinet sans trop de difficultés et en vérifiant qu'effectivement il y a personne, parce que le risque existait quand même. Hein. Bien sûr, on va se retrouver dans 3 minutes quand on continue à puiser dans vos souvenirs et ceux de Lucio. On écoute Damso, Cœur de pirate. le pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Sombre négro dans le texte, on fait du salvé. L'inspecteur est ravi, police en bas chez lui. Mais son cache à l'abri, car c'est qu'il va prendre longue vie. Car très sombre délit, you vois comme Machiavelli. Comme la mort n'a que ennemi, c'est pas ton long Kenny. Depuis vit dans le délit, se prend dans le cellule comme pas permis. Ne pense qu'à make money, au jour de sa sortie. Orgie, drogue, dure, morphine, bitches. Puis un jour est sorti, a retrouvé sa money. A baisé comme pas permis sur le sol, ongle garni. Comme la mort n'a qu'une seule vie. Comme la mort n'a qu'une seule vie. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Du sale toute la noche, moi je connais déjà la fin. Police dans Tokyo Walkie, ont déjà sorti le machin. Deux roues, regard hostile, le fil rouge, cadré, profil. J'ai toujours Glock, j'ai char, arme de feu et de poing. Avenir, avenir sans lendemain, je sais que je pédale à tout moment. La crosse sur les deux mains, je vise le coup plein d'oscillations. Globuleur, revolver, mais se tire sur les passants. Violent dans mes actions, mauvais garçon, agitation. La drogue fait fait. Je plains, je suis à Toulon. La playa face au genou, j'abris tellement de pêche. Une racaille comme un pas de le cœur, un peu rocailleux, tu fais semblant de m'aimer. Confonds pas insensible avec souffrir en silence. Bien sûr que je suis émotif, l'intérieur érosif. Mais ma douleur est taiseuse, patiente, pleine d'endurance au bel. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Affaires sensibles sur France Inter. Thierry Fagard, là où l'histoire de Lucio est une affaire sensible, précisément, c'est que, à force de mettre en danger des banques américaines, ça met en danger, j'imagine, indirectement, quand même, les relations entre la France et les États-Unis, donc le gouvernement s'en mêle, le magistrat Louis Joinet s'en mêle également, voit le Premier ministre Pierre Mauroy à l'époque, et donc, ce beau monde se dit, bah, faudra quand même qu'on arrive à arranger le coup. Ça se passe comme ça? Et vous êtes au milieu, vous? Oui, oui, globalement, ça se passe comme ça. Effectivement, Louis Joinet a joué un rôle important parce qu'il connaissait très très bien tout le monde latino-américain. Et il avait pris ses renseignements sur Lucio, qui avait été dirigé vers lui, hein, par des latino-américains, quand même. Bon, qui avait dit, bon, t'es dans la merde, mais écoute, va, il faut absolument que tu vois Joinet. Et Joinet, sur le coup, était pas du tout convaincu, évidemment. Bon, et donc il commence à prendre un petit peu ses renseignements, et assez longuement. Quand il sait que c'est moi son avocat, il m'appelle tout de suite en me disant, il faut que je te vois. Bon, et il me dit, c'est qui, Urtubia? Je lui raconte un peu. Et puis bon, peu à peu, il réalise qu'effectivement, ben, tout est confirmé. C'est-à-dire que c'est pas une bande de voyous, et que c'est vraiment dans une période où quand même les dictatures latino-américaines ont fait des dégâts terribles. Bon. Et à partir de ce moment-là, il considère ce qui a toujours été un peu sa doctrine, qu'il vaut mieux calmer le jeu. Calmer le jeu, bon, que ça veut pas dire qu'il faut... c'est pas l'impunité, loin de là. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut trouver des solutions à partir qui finalement amènent à une forme de paix sociale. Bon, et ça, cette histoire de règlement de l'affaire de Lucio avec la Citibank, c'était très très important. Mais ça avait posé un problème policier quand même, que c'est du ressort de la police. Comment réagit également le ministre de la Justice de l'époque, qui était Robert Badinter d'ailleurs? C'est quand même gênant pour le garde des Sceaux. Ben, Robert Badinter, oui, effectivement, ses services n'étaient pas nécessairement pas nécessairement favorables à ce genre de choses. Maintenant, bon, il y avait quelque chose qui était... On était quand même pas mal dans des espèces de choses clandestines, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a pas fait l'objet d'une négociation, évidemment. À mon avis, hein, mon avis. Parce que moi, je ne sais pas tout. Hein. Moi non plus, mais j'imagine. J'étais pas au gouvernement. Hein, Racontez-moi le bonhomme quand même, Lucio. Oui. Parce qu'il est attachant. Il n'y a pas mort d'homme. Il est doué. Ça déclenche un petit sourire narquois tout de même. Soyons sincères, quand on voit qu'un simple maçon met à genoux, fait peur en tout cas, et la plus grosse banque du monde, ça fait sourire. Hein, il y a forcément une petite admiration là-dedans. Donc on a envie de savoir comment il était ce type qui était votre ami. Alors on l'imagine jovial, mais peut-être pas. Je vous le laisse dire. Ouais. Ben écoutez, c'était quelqu'un qui était extrêmement convivial. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les gens. Quand il les aimait vraiment beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui surtout avait une espèce de rectitude éthique, hein, qui était absolument presque étonnante. Enfin, presque étonnante parce que c'est rare de rencontrer. Alors, on va pas dire que c'était un saint parce que c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que il avait des principes. Il a consacré sa vie, je crois, à essayer de participer à sa façon à un monde meilleur. Par des moyens qui n'étaient pas des moyens légaux la plupart du temps, encore que ça dépendait, hein, parce qu'il a monté une entreprise après ça de bâtiments, et il a fait travailler des tas de gars qui méritaient de ainsi de suite. Donc il n'a pas fait que des illégalités, mais en tout cas ce qu'il a fait, il l'a toujours fait avec cet objectif unique qui était de participer à sa façon à la mise en place d'un monde meilleur. Bon, et ça, c'était un truc formidable. Et donc, il était comme ça. Il était totalement entier. Alors, parfois, parce qu'il faut dire les choses, il faut pas tomber dans la géographie. Hein. Ouais. Il était tellement entier et croyait tellement à ce qui était sa vie que parfois, il pouvait être aussi dur, et parfois, bon, même, il fallait le pousser en lui disant, attends, là, Lucio, arrête, parce que là, non, on peut aussi ne pas être tout à fait d'accord sur tout avec toi. Bon, mais il l'acceptait. C'était pas un mec rancunier. Il y a eu des moments où on n'a pas été d'accord, lui et moi, sur certaines choses. Oh, mais parfois des positions très très très très radicales qui pouvaient exposer dans une discussion, si vous voulez. Bon, mais il y a jamais eu de, je veux dire, on est resté amis jusqu'à sa mort. La sienne. Et est-ce que le monde de la justice, les magistrats, enfin toutes ces personnes qui constituent la justice, avaient un regard compatissant, peut-être pas compatissant, mais tolérant sur lui? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'attachant? Après tout, un justiciable peut être attachant. Ça, absolument. Alors, il y a deux choses. D'abord, il faut dire que globalement, il a eu beaucoup de chance, et ça, c'est vraiment une question de chance, c'est qu'il est tombé la plupart du temps sur des magistrats qui étaient des gens intelligents, des gens qui n'avaient pas le front bas, vous voyez ce que je veux dire, essayaient de réfléchir, et qui ont senti que ce personnage était quand même très spécial par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir comme clientèle, si je puis dire. Bien. Donc ça, il a eu de la chance de ce côté-là. Bon, le juge d'instruction de l'affaire des Travelers, c'était pas très très commode, elle, mais la plupart des autres ont été ouverts. La deuxième chose, c'est que il avait un talent extraordinaire, parce que il avait une sincérité telle que on ne pouvait pas croire qu'il mentait parfois, enfin, qu'il mentait. Il disait les choses, il avouait, il reconnaissait, il disait oui, mais je dois le faire, c'est ma responsabilité. Et ça, je pense que ça lui a été compté dans le bon sens, parce que ça aurait pu taper beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. Alors on va terminer avec une affaire qu'on n'a pas abordée dans le récit, faute de temps d'ailleurs, et de construction du récit. On va le faire avec vous, la restitution du tableau Guernica à l'Espagne. Vous pouvez m'en dire plus ? Oui, ben, je peux pas vous en dire grand chose parce que je n'en sais pas tant que ça. Ouais. Ce que je sais, c'est que Roland Dumas, qui était exécuteur testamentaire de Picasso, bon, et qui avait vu avec Picasso l'histoire de la restitution de Guernica avant la mort de Picasso, évidemment, bon. Picasso avait dit, moi, je vous demande, ou je te demande, je sais pas si c'est tutoyé ou pas, de faire le nécessaire pour que ce tableau revienne en Espagne, mais dès lors, et seulement lorsque la démocratie sera sécurisée. Bien. Quand la question s'est posée, après la mort de Picasso, Roland Dumas a commencé à prendre... Bon, il a pas mal fait d'investigations, il a pris pas mal de contacts, il voulait savoir comment ça allait se passer. Parce qu'il y avait des tirages. Il y en avait qui voulaient absolument pas, évidemment, ça va de soi. Bon, il y avait ceux qui, en Espagne, disaient, ben, ça doit aller au musée du Prado. D'accord, je vais vite parce qu'il reste quelques secondes, mais quel serait le rapport de Lucio avec tout ça? Dans les milieux basques, globalement dans les milieux basques, il voulait savoir, Roland Dumas voulait savoir quelle était la position des milieux basques, parce qu'il y avait des nationalistes qui disaient, ce tableau doit être chez nous. Chez nous. D'accord. En Pays Basque, hein, bon. Okay. Alors, donc il voulait savoir globalement, il voulait sécuriser la Et Lucio pouvait être utile. Bah, il pouvait en tout cas lui donner des contacts. Très bien. Merci infiniment, Thierry Fager. Je vous en prie. Désolé de vous bousculer à la fin, mais voilà. Mais non, on arrive à la fin du temps réglementaire. Merci. Tout à fait. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Lucio Urtubia, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Lison Berger.